Chapitre 10. Tok'ra d'Azipal. Pendant que l'étrave de l'Hirondelle, le yacht que le Sauter, rédacteur en chef du Monde, avait mis à la disposition d'Escander et de Mademoiselle Laurière pour leur mission en Angleterre, déchirait les eaux vertes de la Manche, le journaliste et la jeune fille, appuyés sur la rambarde et impatients de regagner Cherbourg, commentaient les événements dont ils avaient été témoins à Portsmouth. Tout à coup, la jeune fille fit un brusque mouvement, puis se tournant vers Escander. « Comment appelle-t-on ce prince hindou qui assistait sur son yacht à la revue de la flotte britannique ?»« Tok'ra d'Azipal. Il venait de Paris et il va y retourner avant de regagner son royaume. Pourquoi cette question ?»« Une idée m'est venue. Peut-être une lueur dans cette obscurité. » La jeune fille secoua sa jolie tête. « Voyons que je fixe bien mon souvenir. » Au moment où Jacques Lambert m'entretint de sa fameuse découverte, je me rappelle nettement que le manque d'argent le réduisait à l'impuissance. Il en cherchait partout. Il s'absentait souvent, comme je vous l'ai dit, et revenait chaque fois nanti de sommes plus ou moins importantes, mais toujours insuffisantes, et qui ne pouvaient lui être d'un grand secours pour ses travaux. C'est alors qu'il se résolut à faire, auprès d'un richissime hindou présent à Paris, une démarche suprême. Ce fut moi qui écrivis la demande d'audience. Il se pourrait que cet hindou fût le prince Tok'ra d'Azipal. Le renseignement est précieux, fit Escander, après un petit instant de silence. Peut-être ne nous donnera-t-il rien, mais notre devoir est de nous en servir. Dès notre arrivée à Paris, je verrai Tok'ra d'Azipal. Qu'était donc cet hindou? Un seigneur fabuleux, aurait répondu l'opinion publique. Riche, disait-on, à en perdre la raison, d'une éducation parfaite, charmant, charmeur, et vivant à Paris qu'il affectionnait avec un luxe inouï. Comme il l'avait dit, Escander, au lendemain de son retour, s'était fait annoncer chez le prince, au splendide hôtel où il occupait tout un appartement au premier étage, presque insuffisant pour le loger, lui et sa domesticité. Germaine Laurière l'accompagnait, mais il avait été convenu que la jeune fille attendrait son compagnon dans le grand hall de l'hôtel en prenant une tasse de thé. Escander avait fait passer sa carte au Raja. Son attente fut courte. Le secrétaire intime du prince, que tout Paris connaissait, comme il connaissait Tok'ra, se présenta. Il s'avança d'un pas glissant et silencieux, à moitié courbé par un salut. « Si le seigneur veut bien me suivre, mon maître sera très honoré de le recevoir. » Escander apprécia la charmante hypocrisie de cette politesse asiatique. Il suivit l'hindou. Tok'ra d'Azipal, vêtu d'une somptueuse robe de chambre, coiffé d'un turban de fine mousseline où brillait une fameuse aigrette de diamant, était étendu sur un large divan parmi une foule de coussins somptueux, à côté d'une petite table portant des rafraîchissements et un merveilleux petit revolver précieusement damasquiné. Deux hindous, dont le secrétaire intime, étaient accroupis, ramassés plutôt aux pieds de leur maître, prêts à bondir au moindre signe. Le Raja Tok'ra d'Azipal désigna d'un geste fort affable un siège à son visiteur. « Monsieur, dit-il en excellent anglais, je suis heureux de recevoir le journaliste célèbre que vous êtes. » Escander s'inclina. Il avait trouvé un admirable prétexte à sa visite. Il venait recueillir les impressions que son Altesse avait dû ressentir en voyant, bloquée par les glaces, la flotte anglaise. Tok'ra resta un moment silencieux. Son regard scrutateur, entre les paupières baissées, examina le jeune homme jusqu'à l'âme, tandis qu'il peignait sa barbe de ses doigts fins chargés de lourdes bagues. « C'est, dit-il, une chose qui m'a beaucoup peiné. Mon loyalisme en a souffert, et j'en ai fait part au roi, qui non seulement est mon suzerain, mais aussi mon ami. « Mais vous, monsieur, ajouta-t-il, changeant brusquement la conversation, vous, dont la sagacité est connue, n'avez-vous rien fait pour découvrir les auteurs de tous ces crimes ?» La question servait trop les intérêts d'Escander pour qu'il la laissât tomber. Non, Altesse, comme tout le monde, j'ai cherché, et je me déclare vaincu. Non, vraiment, je ne peux... J'ai d'ailleurs des préoccupations personnelles qui m'absorbent. J'essaye de retrouver un ancien maître à moi, mystérieusement disparu, le chimiste Jacques Lambert. Escander avait pris un temps avant de prononcer le nom. Son regard, aussi aigu que celui de l'hindou, observait celui-ci. Il le vit, malgré l'empire qu'il devait avoir sur lui-même, tressaillir légèrement. Une bouffée d'orgueil monta au cœur d'Escander. Toukra avait repris son impassibilité. Désormais, le reporter n'avait plus rien à apprendre. Il griffonna des notes, d'après les déclarations de Toukra, se promettant de s'en servir pour rédiger quelques lignes et dérouter ainsi les soupçons qu'il sentait chez le prince, puis il prit congé. En descendant, il passa par le salon de thé, alla à la table où se trouvait Germaine et lui dit « Vous allez me rejoindre dans 5 minutes. Je vous attendrai dans la salle de travail de la Bibliothèque nationale. Je vais sans doute être pisté. Rendez-vous en compte et remarquez bien l'homme qui me suivra. » Puis sans attendre la réponse de la jeune fille, il s'en alla, très naturellement, sans se retourner, traversa le palais royal et entra à la Bibliothèque nationale. 20 minutes après, Germaine vint le retrouver. « Vous avez été suivi, dit-elle, par un homme élégamment vêtu à l'européenne, mais coiffé d'un turban. Il a toujours marché à 20 pas derrière vous, sur le trottoir, situé du côté opposé à celui que vous suiviez. » « Merci, ce Toukra n'est pas un sot. Nous sommes sur le chemin qui conduit à la vérité. C'est, ou je me trompe grossièrement, du côté de Toukra d'Azipal qu'il faut chercher Jacques Lambert. »